Tout ce que j'aime dans la vie, c'est baiser et fumer du shit. Fumer du shit, fumer du shit, fumer du shit, fumer du shit. Tout ce que j'aime dans la vie, c'est baiser et fumer du shit. Fumer du shit, fumer du shit, fumer du shit. Tout ce que j'aime dans la vie, c'est baiser et fumer du shit. VALD, c'est un mystère, il faudrait que tu l'élucides. Sucer du shit, ça peut rapporter de l'oseille. Chirotte, dégousse, vous buvez du pif. Viens avec un mouchoir au cas où vous saignez du pif. J'pourrais vous montrer le paradis, pour ça faut que vous ayez du pif. Façon, vous mélangez tout, vous différenciez pas le Perrier du cidre. J'suis un Perrier du cidre, j'peux t'enterrer, tu piges. J'fais que m'entraîner ici, j'fais que m'entraîner ici. Hein? J'ouvre la fenêtre, je ne fais que humer du vice. Je jette ma clé USB dans les chiottes pour buter Lucie. L'amour est mort, ouais, ferme ta gueule, arrête de te prendre pour une érudite. Tu es stupide, leur vision est trop étroite, est-ce que t'as vu mes pupilles? Hey, j'en place une pour les plus démunis. Mes amis sur la durée du spliff. Pour les très grandes putes et plus petites. Hey, j'pense à tout le monde, j'ai le cœur gelé. Hey, j'mets pas de marché là. Non, platine, j'vais marcher là. Ouais, platine, j'vais marcher là. Je suis où personne n'a marché là. J'ai qu'à boire, je dis narchétane. Faut pas que j'boive, j'ai faire le chétane. Toujours dans le vrai quand je dis archez pas. Hey, nuage de terre quand je dis lâchez moi. J'ai envie de zèbre, je rentre chez toi. Quand je suis lonely, comme Econ, dans mon lit, faut ma bestiole. Quand je souris, elle me questionne, elle m'espionne. Je me surmute pour ne pas que ça ringtonne. Elle se charbonne, jamais à Paris jaune. Embusqué, je prépare la riposte. Tout ce que j'aime dans la vie, c'est baiser et fumer du shit. Fumer du shit, fumer du shit, fumer du shit, fumer du shit. Tout ce que j'aime dans la vie, c'est baiser et fumer du shit. Fumer du shit, fumer du shit, fumer du shit. Fils de pute comme carapace bleue, c'est jamais hasardeux. Je me mélange pas à eux, mais je t'en veux pas, je sais que t'as mal. Je suis capable de tout à la seconde, et je préfère le shit à la beuh. Tout ce que j'aime dans la vie, c'est baiser et fumer du shit. Fumer du shit, fumer du shit, fumer du shit. Tout ce que j'aime dans la vie, c'est baiser et fumer du shit.